Moti mananga omema Gaya wanatikali pamba Ye ye ye Atata. Foli damu mote mana pesa yo Batera yango manabo Yango pepa somba kate o makolete Pieste rechange na zuwa wapie Monga ngango alemba kisi o Mokumba ya bana mibale Ti m'accepte oh dans ta vie Mon trésor, moi na nanga ya mobali Keke la mouya zame Sincérité na malo papo yo kani ya mwasi na ndako Na la mwela mu Kekera mouya zame Sincérité na malo papo yo kani ya mwasi na ndako Na la mwela mou C'était passé Oh ma colette Kanalinga kayo boya kaka Oh ma colette Chérie mon amour Et c'est mon amour te mazabe Posa kaka ya kolela Posa nali moi mokili Aime moi je t'aime oh Oh ma colette Mina kupenda sana Oh bibi yangu Mukezo lange oh Oh kento munu Sheri mon amour Ese ngona mote mazame Posa kaka ya kolela Posa nalimwa mokili Juju le grand Oh, Henri Papa Mondogo Jean-Jacques Bizouka Chanteur de pouvoir Oh, Doudou Senga Chéri Ketina à Paris Picani, c'est Zolé, c'est Zola. Ah, yenga yenga junior, tu n'es pas un pote. ya mikili. Wapi Nyarkos. Le grand Mayas Nyarkos. Nes Zola, Chéri Ketina, Doudou Senga, à chanter des pouvoirs. Oh Alpha Karamba. Chien berger sans collier, as-tu déjà vu ton maître? Hein? Je t'aime, oh ma colette. Mon passé c'est un passé, oh ma colette. Et quand la linga kayo boya tanga, oh ma colette. Chérie mon amour, et c'est quand la poste ma zambé. Posa kakaya kolela, posa nani moi mokili. Signore Lapito,